بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On entame aujourd'hui, inshallah ta'ala, le sixième cours dans l'explication de cet écrit du très savant Ibn Baz. Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, concernant les invocations et les azkars. Juste une petite précision concernant les invocations liées aux prières. Le cheikh, il avait cité donc qu'il est recommandé de réciter trois fois Al-Mu'awizat, les trois dernières sourates, après Salat al-Maghrib. En réalité, la preuve de cela, comme on avait vu, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appelé à réciter ces sourates trois fois, donc à l'aube et en soirée. Et certes, la soirée, elle commence après l'Asr, après la prière du Asr. Et donc, biznillah, la personne qui finit sa prière du Asr, après la prière du Asr, elle peut très bien réciter ces trois sourates trois fois, inshallah ta'ala. Et c'est préférable. Ensuite, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, faslun fil azkar ou fi azkar al-sabah wa al-masa. Le chapitre concernant les azkar de l'aube et du soir. Et donc ce chapitre, en réalité, c'est le chapitre le plus long qu'on va trouver dans le livre. Dans ce livre-là, c'est le chapitre le plus long, inshallah ta'ala. Parce qu'il y a beaucoup de hadiths qui sont liés à ce sujet. Les invocations du matin et du soir. On a d'ailleurs vu dans la Muqaddimah, dans l'introduction, on a vu plusieurs versets où Allah tabaraka wa ta'ala nous incite à l'invoquer le matin et le soir. Comme la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha zikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Et donc, ô vous qui avez cru, faites beaucoup le rappel d'Allah et proclamez la grandeur d'Allah, proclamer sa grandeur matin et soir. Et donc, Bokra, que j'ai traduit par matin, c'est donc le début de la journée en arabe. Et Asila, El-Asil, ce qu'on appelle El-Asil, c'est justement donc ce qu'il y a, le temps qu'il y a entre El-Asr et le Maghreb. C'est pour ça que j'ai dit qu'il est préférable justement de réciter les trois sourates après Salat al-Asr, les trois dernières sourates après Salat al-Asr, parce que ce qu'on appelle El-Asil dans la langue arabe, qu'on traduit par soirée, c'est le moment qu'il y a entre l'Asr et le Maghreb. Et donc, à quel moment devons-nous faire ces invocations, les invocations du matin et du soir? Donc, les invocations du matin, elles se font après la prière de l'aube. Après la prière de l'aube, jusqu'au lever du soleil. Et les invocations du soir se font après la prière du Asr jusqu'au Maghreb. Cependant, ce sujet est un sujet qui est relativement facilité dans notre législation, dans notre religion, et donc car Allah tabaraka wa ta'ala nous a facilité en cela. Donc si une personne oublie, ou alors elle a une occupation, elle a quelque chose à faire, et que donc elle ne fait pas ses invocations après la prière de l'aube, et donc il n'y a pas de mal à ce qu'elle le fasse après le lever du soleil. Pareillement, si la personne ne fait pas les invocations avant le Maghreb, il n'y a pas de mal à ce qu'elle le fasse après le Maghreb. Mais la base, c'est de le faire avant le lever du soleil et avant le Maghreb. Et donc l'auteur qui nous dit, rahimahullah, an Abi Hurairah radiallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه رواه مسلم. D'après Abu Huraira رضي الله عنه, que le message que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: celui qui, lorsqu'il se trouve à l'aube et lorsqu'il se trouve en soirée, dit Subhanallah wa bihamdi, pureté à Allah par sa louange. Celui qui dit cela 100 fois, alors personne ne viendra au jour de la résurrection avec une œuvre qui est meilleure que ce avec quoi lui il est venu, sauf une personne qui aura fait comme lui ou qui aura rajouté plus que cela. Rapporté par Muslim. Et donc, ce premier zikr, cette première invocation que l'auteur il nous cite, rahimahullah, c'est une invocation qui est liée au tasbih, le fait de proclamer la pureté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça, ce sujet a une très grande importance dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant de citer les mérites du tasbih, les mérites de cet acte d'adoration, et donc il est important qu'on cite le sens, qu'est-ce qui est voulu par être tasbih. Qu'est-ce qui est voulu par être tasbih? On l'a déjà vu, ça veut dire quoi tasbih? Exempt de toute imperfection. Voilà, Allah est exempt de toute imperfection. Donc déjà le mot al-sabh, dans la langue arabe, il signifie al-bu'ad, c'est-à-dire l'éloignement. Par exemple, une personne qui va faire un long voyage, donc dans la langue arabe, elle va dire sabahtu fil ard. Donc sabahtu fil ard, c'est-à-dire donc je suis allé loin. Et donc lorsqu'on va dire subhanallah, on rejette tout défaut, tout manquement concernant Allah tabaraka wa ta'ala, et on proclame le fait qu'Allah est bien au-dessus de cela. Il est bien au-dessus, bien loin des défauts et des manquements. Il ne peut pas avoir de défauts, de manquements, tabaraka wa ta'ala, d'imperfections. Et donc on va rejeter tout cela concernant, on va rejeter tout ce qui ne convient pas à Allah tabaraka wa ta'ala, comme le fait de lui attribuer un enfant par exemple ou autre. Tout cela ne convient pas à Allah tabaraka wa ta'ala. Pareillement, barakallahu fikum, il n'est pas convenable que le musulman il prétende qu'Allah tabaraka wa ta'ala ressemble à ses créatures. Il n'est pas convenable, puisque justement, à la fin de la prière, le musulman il dit subhanallah, subhanallah, subhanallah. La créature, elle a des défauts. Comment est-ce que se fait-il qu'après, tu vas prétendre qu'Allah ressemble à sa créature qui a des défauts? Pareillement, il ne convient pas à Allah tabaraka wa ta'ala que le musulman rejette les attributs d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala, dans son livre, il nous dit que il a deux mains. Il nous dit tabaraka wa ta'ala qu'il a des yeux, etc., etc. Et une personne va venir, elle va rejeter cela. Ceci ne convient pas et ceci est contraire au tasbih. Ceci est contraire au tasbih parce que ça veut dire que Allah tabaraka wa ta'ala, dans son livre, il nous parle de choses qui ne sont pas concrètes. Il nous dit qu'il a des mains mais il n'en a pas. Il nous parle de ses yeux mais il n'en a pas. Et donc ça, ce n'est pas convenable à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est comme si, donc, lorsqu'un être humain va faire cela, on va dire à l'être humain qu'il parle pour rien, qu'il dit des choses qui ne sont pas concrètes. Et donc, ces gens-là, ils vont profondément manquer de respect à Allah tabaraka wa ta'ala, et ceci est totalement contraire au tasbih. C'est vraiment pour cela que j'attire l'attention sur le fait que lorsqu'on fait ces azkar après la prière, ou ces azkar du matin et du soir, c'est important qu'on médite sur ce que l'on fait. Et concernant les mérites du tasbih, le fait de dire subhanallah, alors parmi ceux-ci, il y a la parole, donc, comme dans Sahihain, d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit, kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani ala lisan, saqilatani fil mizan. Et donc, il y a deux paroles qui sont aimés auprès du tout miséricordieux, qui sont légères à la langue et lourdes sur la balance. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Et donc, pureté, subhanallah wa bihamdi, et donc pureté à Allah, et donc par sa louange, subhanallah al-azim, et pureté à Allah, le majestueux. Et donc ici, dans cette invocation, il est cité le nom, donc, Ar-Rahman. Dans cette invocation, il est cité le nom Ar-Rahman. Kalimatani Habibatani Ilavrahman. Ce sont deux paroles qui sont aimées du tout miséricordieux. Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi? C'est pour nous montrer la grande miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui accorde une énorme récompense à une œuvre qui est légère sur la langue et qui n'est pas difficile à accomplir. Une parole qui est facile à prononcer. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Ce n'est pas une parole difficile, ce n'est pas une chose difficile. Mais pourtant, c'est vraiment quelque chose qui est très lourd sur la balance. Dans Sahih Muslim, d'après Abu Dhar, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ela ukhbirukum bi ahabbil kalami ila Allah » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Puis-je vous informer des paroles les plus aimées, de la parole la plus aimée d'Allah tabaraka wa ta'ala ?» Kultu ya Rasulallah akhbirni bi ahabbil kalami ila Allah. Alors il dit à Abu Dhar, ô messager d'Allah, informe-moi de cette parole la plus aimée d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, inna ahabbal kalami ila Allah, c'est la parole la plus aimée d'Allah, subhanallah wa bihamdi. Pureté à Allah par sa louange. Et donc tu rejettes tout manquement et tout défaut concernant Allah, tabaraka wa ta'ala. Cette parole, elle est très importante, elle est grandiose. Nous devons vraiment la mettre en pratique dans notre vie. Ensuite, barakallahu fikum, il y a dans le hadith qu'a cité l'auteur, rahimahullah, concernant le tasbih, il y a donc cela nous montre la grande récompense qui est liée à cet acte d'adoration, à cette parole, la grande récompense qui est liée à cela, et que personne ne viendra avec mieux que cela, sauf une personne qui a fait la même chose, ou une personne qui a rajouté, donc qui a prononcé plus de tasbih que cela. Cela nous montre la grande récompense qu'il y a dans cet acte. Et aussi, parmi les ahadiths qui montrent la grande récompense du tasbih, le fait de dire subhanallah, il y a donc toujours dans Sahihain, d'après Abu Huraira, donc que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit, celui qui dit subhanallah wa bihamdi, celui qui dit cela 100 fois, celui qui dit cela 100 fois, alors il aura 100 péchés qui seront effacés, même si ces péchés sont autant que l'écume de la mer. Donc même si ces péchés sont nombreux, et donc il aura 100 péchés qui seront effacés. Et voilà par rapport à l'importance du tasbih. Et donc ici l'invocation qu'on a vue aujourd'hui, et donc le fait de dire à l'aube, c'est-à-dire après la prière du Fajr et après la prière du Asar, subhanallah wa bihamdi 100 fois, inshallah ta'ala, on va arrêter là pour aujourd'hui et on continue demain inshallah ta'ala. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardahu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi وصحبي أجمعين وجزاكم الله خيراً